Tchan. Parfait. J'ai la voix baisée. Parfait. Tiens. It's McMahon the bit. Le bruit des blocs dans les sous-sols. Le son des glocks dans les sous-sols. La voix de la prof quand c'est tout seul. Tu peux te faire des mains toutes seules. L'ancien des blocs vers la boussole. Là on veut pas te frapper. On rappe pas le te crèche les lunettes. Deux fois t'as plus t'as qu'une lettre qui te joue pas dans ton alphabet. L'adresse on la pige, la graisse. Gros la gâchette, je la presse sans la tease. La pouca de la tête, on la vise. La braise dans les yeux, je la baisse sans la vise. Mon frérot, comment tu t'es senti? Derrière ton palme, main contrefait. Quand le chef a dit, c'est la honte d'un pâle qu'on te fait. Tu le fais ou je te fais? Je suis dans son coffre, mais c'est pas le beau. Y'a des valeurs là-dedans, Askip. On se voit tout à l'heure pour le charbon. Je mets les valeurs pour le casse. Y'a 300 grammes dans la pampers. La porte au sol, je les fais danser. J'ai ma sortie au port d'Anvers. J'ai pas plan B, j'ai des plans. Le bruit des blocs dans les sous-sols. Le son des glocks dans les sous-sols. La voix de la porte quand t'es tout seul. Le but tu sers des mains toutes sales. Y'a ta croix, c'est des victimes. Demain tu tombes sur des chansons. Demain tu tombes sur des dream team. Tu n'écouteront pas tes chansons. Le bruit des blocs dans les sous-sols. Le son des glocks dans les sous-sols. La voix de la porte quand t'es tout seul. Le but tu sers des mains toutes sales. On sait la mort ou la justice. On est tous armés pour l'armistice. On a bien faim, j'ai un show 5-5-5, je vois du 6-6-6. Et ta place est fermée ta gueule. Laissé par les Mozart. Un ligne juste une craie dans le concret. Pas trop qui le croquant et croqué. Gros c'est pas les beaux-arts. Jus de bagarre, crache du but. Jusqu'à qu'il y a de l'envie de tousser. Et pour les gardes au côte du riz, j'ai des ballons flottés comme le petit poussé. J'ai les hommes riches qu'on accable. En cas de litige, ils sont capables. Mais y'a plus de frères, y'a plus de sœurs, plus de livrets de famille quand y'a JP sur la table. Le Westwest arrive en FedEx. On donne le go par un texto. T'as voulu garder ton assiette. Donc on a monté des restos. Y'a 300 grammes dans la pampers. À part ton sol, je vais faire danser. J'ai ma sortie au port d'Anvers. J'ai pas de plan B, j'ai déplacé moi. Le bruit des blocs dans les sous-sols. Le son des glocks dans les sous-sols. La voix de la porte quand t'es tout seul. Le but tu sers des mains toutes sales. Y'a ta croix, c'est des victimes. Demain tu tombes sur des chansons. Demain tu tombes sur des dream teams. Tu n'écouteront pas tes chansons. Le bruit des blocs dans les sous-sols. Le son des glocks dans les sous-sols. La voix de la porte quand t'es tout